Yeah, ok. ANYM sur une prod à M-Noise. Check. Ok. Yeah. Hey yo, le gamin ni les lettres, les verbes, gros. C'est ANYM, j'aplate, il est merde. T'as plein d'ifs sans blême, bro. Ça attise ma haine quand j'analyse le game. Je prends de l'altitude et le temps pour parasiter ces escrocs. Et je vais lire sur la prod à M-Noise. Vu que je l'ai kiffé, j'aime trop écrire et kicker avec de belles prose et la plume aiguisée. Plus qu'un passant, une passion, moi. J'écris tellement que je serai pas produit, mais juste édité. J'aime trop avoir du pèse en main, voir fou l'herbe dans le joint. Ou même mieux, mec, avoir congé le lendemain d'une soirée arrosée. Pouvoir se poser, postposer tout pour aller se reposer dans son lit douillet. Une pétasse de la veille, encore en train de mouiller. Quand dans ma tête c'est le trou noir, le cerveau embouillé, embrouillé dans le brouillard. Et si tu kiffes les textes gros dans le chargeur, j'ai 12 bars. Mon son est puissant et old school comme une boule tâche. Et je pousse la voix pour montrer qu'il y a du talent. Le rap est que mon muscle plus puissant reste ma langue. Me dis pas ferme là, qu'est-ce t'as? Lève les bras, c'est elle, mes one. Trois roues qui prometteurs, brou, est-ce alarmante? Au fond de moi, je sais très bien qu'il n'y a pas grand chose qui cloche. Que t'as pas tant de pros qui cognent et qu'il n'y a pas tant de roses qui s'offrent. Un silence assourdissant, tu n'es qu'une oxymore omnivore dans le rap bouffe tout quand t'es à souffle au chromophone. Et si t'excelles sur la forme mais pas le fond, c'est grave man. Comme ce gars qui pousse la fonte mais ne sait pas se battre. Goûte ma prose, ma zik, aux saveurs c'est fixé. Je double la dose pour émoustiller les papilles de ton rap fat. Je fais une intolérance face aux incohérences de ton bail. Et en freestyle je ne remarque ton incompétence. Tu crois complaisante, nous on te lâche des phases d'enfoiré. MC sois complaisant et puis lâche le mic en soirée.